partir de cette semaine, vous pourrez voyager avec nous en suivant notre émission La machine à remonter le temps et découvrir pourquoi on utilise si souvent ce proverbe Historia Magistra Vitae Est. Attachez vos ceintures. À Strasbourg, Charles Chauve et lui les germaniques s'unissent contre leur frère aîné, Lothaire, et prononcent le fameux serment de Strasbourg, chacun dans la langue de l'autre. Grimbel, qui est surtout connu pour l'invention du téléphone, dépose le brevet sur le téléphone quelques heures avant Elie Chagray. Premier soulèvement serbe, au lieu de 1804 à 1813, après plus de 300 ans d'occupation ottomane, et fut écrasé en 1813, mais la répression qui s'ensuivit donna lieu à la seconde révolte serbe de 1815, qui conduisit à l'autonomie puis à l'indépendance de la Serbie.